Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait craquer les digues à Scheveningen, petit. Tellement fort qu'on ne sait plus qui navigue la mer du nord, bien les digues. C'est le vent du nord qui transperce les yeux des hommes du nord, jeunes ou vieux, pour faire chanter des carillons de bleu venus du nord au fond de leurs yeux. Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait tourner la terre autour de Bruges, petit. C'est le vent du nord qui a raboté la terre autour des tours de Bruges. Et qui fait que nos filles ont le regard tranquille des vieilles villes, qui fait que nos belles ont le cheveu fragile de nos dentelles. Mon père disait, c'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges. C'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges et l'Angleterre. Et Londres n'est plus comme avant le déluge, le point de Bruges narguant la mer. Londres n'est plus que le faubourg de Bruges, perdu en mer, perdu en mer. Mais mon père disait, c'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme et sans colère. C'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme face à la mer. C'est le vent du nord qui me fera capitaine d'un brise-lame ou d'une baleine. C'est le vent du nord qui me fera capitaine d'un brise-larmes pour ceux que j'aime.